aujourd'hui aux archéologues du rock, on parle de listes, on introduit une nouvelle collaboratrice et on a du gros fun sale. Oui, alors on parle de listes aujourd'hui. Vous avez probablement remarqué depuis quelques années que la musique se décline en listes des meilleurs vendeurs, des palmarès. Des palmarès de toutes sortes. Pitchfork qui fait aussi tout le temps plein de palmarès. Il me semble aussi, il y a quelques années, c'est Blender, là, comme quelles sont les coupes de cheveux les plus ridicules du rock. Amusement, que ceci, on en voit plein. Donc, listes aujourd'hui, et aussi, ça sera. Un exercice un peu pédagogique, puisque je vais faire ma petite critique de liste plus tard dans l'émission. Et dans un mois, il va y avoir énormément de récapitulatifs de l'année 2013. Exact. Parlant de liste, laissez-moi vous parler tout de suite de Geneviève Dussault, qui est une mélomane finie qui se joint à l'équipe, en fait, qui va, à partir de maintenant, partager des playlists des sur listes. La page web des archéologues du rock au même rythme qu'on publie des épisodes. Et l'objectif de ces playlists-là est entre autres de faire découvrir des nouveautés, des artistes émergents ou tout simplement une sélection musicale que les postes de radio de masse ne diffusent pas. Et en général, les thèmes que Geneviève aussi appelait l'art créative. Donc, les thèmes musicaux que Geneviève va nous proposer, ou du moins les objectifs de ces playlists-là, respectent des vibes, des humeurs, des moments. C'est-à-dire qu'elle va monter des listes, par exemple, qui vont être spécifiquement conçues pour être écoutées quand on fait une ride de voiture. Ou encore des listes à partager avec des amis très proches, ou à écouter dans des moments d'euphorie, des choses comme ça. Puis c'est toujours bien d'identifier, en fait, l'objectif de ces listes-là. Et elle a des goûts et elle nous amène dans des univers musicaux qui sont vraiment très intéressants et qui nous font faire de belles découvertes. Alors, je vous invite à partir de maintenant à la suivre via la page des Archéologues du Rock ou directement sur le site de 8 Tracks. Sous son pseudonyme La Récréative. Alors, bienvenue parmi nous, Geneviève. Bienvenue. Moi, j'ai très hâte de l'écouter parce que c'est, à la base, je pense que c'est ton amie. Oui, c'est une amie à moi. Donc, j'ai très hâte de la découvrir davantage. C'est une superstar de 8 Tracks, en fait. Oui, pour vrai. Ah oui, elle a pas mal de gens qui la suivent sur ce site-là. Et puis, franchement, là, elle fait un très, très beau travail d'archivage, en quelque sorte, oui, musical. Oui, elle a un grand talent pour ça. Les playlists font partie de cette logique de liste et de palmarès qui est rendue vraiment dominante, hégémonique depuis quelques années. On va d'ailleurs commencer avec notre première liste, parce qu'on va faire des listes aussi au courant de l'émission, de qui on a parlé le plus en 2013. On parle oui, de musique. Oui, alors le top des artistes qui ont le plus fait parler d'eux-mêmes en 2013. Donc là, les deux pour ce top-là, Caroline et moi, on a travaillé individuellement, mais on a comme des points de rencontre, oui, on va oui. le dire, chacun. Il y a des, chacun des lieux notre communs. Tour. Donc, moi, je trouve qu'on a énormément parlé de Robin Thicke, lui qui a fait le hit Blurred Lines de l'été. Honnêtement, je n'aime vraiment pas cette chanson-là. Voilà, ben, moi non plus, c'est trop pop pour moi en partant. Ah, ben, moi, c'est pas une question de pop, là, je la trouve vraiment insipide. Bon. mais il y a aussi un certain. Il y a eu un certain événement en septembre avec une autre artiste. Dont moi, je voulais parler. Mm-hmm. Oui, et c'est il ça. S'agit, mesdames et messieurs, de Miley Cyrus. Miley dont on Cyrus, a beaucoup parlé. Qui a tout fait, oui, pour attirer l'attention et pas toujours de la meilleure façon au cours de l'année 2013. Ah, pauvre enfant. Oui, non, c'est un peu triste. On a beaucoup parlé en 2013 de Arcade Fire. En fait, c'est pas fini. Je pense qu'on va continuer à en parler d'ici la fin de l'année. Oui, Arcade Fire qui est arrivé avec un nouvel album très intéressant. Que moi, j'aime beaucoup, oui. Franchement, moi, j'ai été étonnée par cet album-là. Je m'attendais à beaucoup plus sombre, beaucoup moins accessible que ça. On dirait qu'ils ont décidé de faire un virage justement un peu plus mainstream. Mais ça a été très bien fait, de sorte que moi, ça me fait pas de peine du tout. Puis, j'ai mes billets pour le show de l'été prochain. Tu vas m'habiller chic? Alors oui, je vais m'habiller chic. Et, ouais, c'est quoi cette fausse controverse? En tout cas, je comprends pas vraiment. Là. On s'habille pour aller voir un show, là. Moi, je vais pas comme... Oui, mais on s'entend, on parle d'un show extérieur sur l'île Sainte-Hélène. Fait que, ah, c'est vrai, oui, je serais bien étonnée d'arriver là en talon aiguille, là. Ouais. Mais l'idée, finalement, puis c'est pour ça qu'on a parlé beaucoup d'Arcade Fire cette année, c'est qu'ils font les choses différemment. Ben, pas si différemment que ça, quand même. Il s'inscrit dans une espèce de ligne alternative indie qui existe depuis très longtemps. Toi, tu parles de leur son? Non, je parle de la manière de faire la musique. OK. Mais peut-être qu'on oublie parce que ça... Parce que qu'est-ce qu'on écoute à la radio, c'est vraiment plus de la musique qui est très différente, une manière de faire qui est très différente. Mais Arcade Fire s'inscrit dans une lignée... que je trouve... mon Dieu, c'est comme des porteurs d'héritage un peu, puis... Oui, mais fait que David Bowie collabore avec eux aussi sur Reflector témoigne de ça aussi. Ouais, mais moi, je parlais surtout de la mise en marché de leur musique non, qui aussi. Est faite. Ah oui? Oui. OK. Bon, bref. Je nous réécouterai pour nous comprendre. mais bref, c'est ça. On a parlé d'eux à cause... de leur clip de Reflector, oui. À cause des déguisements, à cause des shows secrets qu'ils font, oui. Et ainsi de suite. Puis là, bon, il y a cette histoire de s'habiller chic pour le show de l'été prochain. Tournée nord-américaine, rien de moi, en fait. Ouais, voilà. J'ai beaucoup entendu parler cette année de Motley Crue par hasard. Moi, il y a une fille qui n'arrête pas de me parler de Motley Crue cette année. Je ne sais pas ce qui se passe avec les autres. Ben non, je fais une petite blague. Là. C'est parce que, ben, vous le savez, j'ai fini ma thèse sur Motley Crue. J'en parle beaucoup. Je vais dans le monde pour en parler. Je parle le monde pour parler de Hélène, Motley Crue. Hélène, la globe trotteur. Je faisais une petite blague. Là. Donc, voilà. Toujours dans le top des artistes dont on a beaucoup parlé cette année, c'est difficile de passer à côté de Louis-Jean Cormier. Mm-hmm. Louis-Jean qui va... je sais pas si c'est commencé, excusez-moi, je pense pas beaucoup la télévision, mais c'est ça qui va être juge pour l'émission La Voix. Ça a été assez... les réactions ont été assez partagées en annonce de ça. Ensuite de ça, évidemment, on en a parlé énormément à cause du succès de son premier album solo, mm-hmm. Et puis des nombreux prix qu'il a remportés avec ça. Donc, Louis-Jean a été très, très présent dans nos oreilles cette année. Et on a décidé de mettre un extrait de son album. Mon Dieu, je me souviens même pas du nom de l'album. Mais la toune s'appelle « Tout le monde en même temps ». Et voilà. Soulevez la poussière, debout la face au vent. faisait marche arrière pour reprendre notre élan. Est-ce que l'on éviterait le cratère? Mais où sont les règles du jeu qu'on y mette le feu? On joue au solitaire, tout le monde en même temps. Oh, oh, oh. Et c'est tout le monde en même temps. Like et Jupiter, on serait bien moins terre à terre. Et c'est tout le monde en même temps. Ce serait la main, il ferait beau demain matin. Et c'est tout le monde en même temps. Se lâcherait le nombril, ça effacerait bien d'ici. Si tu me prenais dans tes bras. C'était Louis-Jean Cormier avec Tout le monde en même temps de l'album Le 13e étage. On a pris le temps de regarder le nom de l'album durant la chanson. Et maintenant, on va parler d'une nouvelle liste duo et association. Oui, mais par exemple, il faut faire la distinction entre ce qu'est un duo et ce qu'est une association. Je vais vous donner un exemple qui fait partie de la liste. Une association, à mon sens, c'est par exemple Ozzy Osbourne et le guitariste Tony Iommi de Black Sabbath. Pour moi, c'est une association, tandis qu'un duo, en fait, ce serait deux artistes de provenance différente qui vont chanter ensemble pour un projet ou pour une chanson, tout simplement. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, association, est-ce qu'on parle de... Lennon McCartney, encore une fois. Non, non, on ne parlera pas des Beatles ici, parce qu'on pourrait en parler à chaque fois. Oui, c'est ce qu'on fait. Donc oui, je viens de parler de Ozzy et Tony Iommi. Pour moi, c'est une super belle association parce qu'ils ont carrément créé un genre. Mais il ne faut pas oublier les bassistes et drummers quand même de Black Sabbath, Bill Ward et Geezer Butler quand même. Ils sont très importants quand même dans la constitution de ce genre-là. Oui, c'est vrai. Mais à mon avis, le noyau créatif se situe autour de Ozzy et de Tony. Mais bon, j'étais pas là. Hein? Dans le même ordre d'idée, on pourrait parler en termes d'association de Freddie Mercury et de Brian May. Et tu vas me dire, oui, mais il y avait d'autres membres dans... Oui, il y a d'autres membres, mais surtout, dans le cas de Queen, je vais faire ma savante parce que c'est mon ancien groupe préféré. Mm-hmm. Ils n'ont pas écrit ensemble, Mercury et May. Tu parles de texte? des chansons, oui. Oui, mais May a composé beaucoup. Et Mercury, oui, c'était les deux principaux auteurs-compositeurs du groupe, mais ils n'écrivaient pas ensemble, sauf à la fin du groupe, là, mais oui, c'est oui, une oui. question. Là. Mais moi, ce que j'aime de ces deux-là, en fait, c'est l'impression qu'ils me donnent, et c'est vraiment une impression, c'est pas du tout vérifié, que May était là pour canaliser l'espèce d'énergie créative de Mercury, et puis pour la rendre possible dans une certaine mesure. Okay. Puis Mercury, c'était une espèce de bête de scène incroyable et flamboyante. Mais j'ai l'impression que toute cette belle énergie-là a été contenue par l'attitude un peu plus posée. Il était très posé d'ailleurs. De Brian May. De Brian May, de Freddie Mercury. Pardon? Brian May contenait un peu Freddie Mercury. Oui, c'est ce que je viens de dire exactement. Puis c'est pour ça que c'est... À mes yeux, c'est une très belle association, ces deux personnes-là. Mm-hmm. Évidemment, on parle d'association, c'est très difficile de passer à côté de Mick Jagger et Keith Richards, qui, ne serait-ce que par la longévité de leur entente, ont démontré leur place dans cette liste-là. Ça fait 50 ans qu'ils travaillent ouais. ensemble et ils le font encore et ouais. ça fonctionne encore. Alors, chapeau, messieurs. Ce qui n'est pas toujours le cas, hein, parce qu'on pourrait parler de Steven Tyler et Joe Perry. Qui se détestent. Oui, les Toxic Twins, oui. Communément appelés, qui ne sont pas capables de se sentir. Mais Colin, pourtant, eux aussi ont réussi à mettre sur pied un projet qui fonctionne encore aujourd'hui. Mm-hmm. Tu me disais tout à l'heure qu'ils font presque caravane séparée quand ils tournent, mais ils tournent encore. ensemble. Oui. Alors, d'ailleurs, si tu parles des Toxic Twins, c'est très intéressant que leur ce surnom-là provient des Rolling Stones, Richards et Jagger, qui étaient les Glimmer Twins. OK. Et pour ne pas encore en parler d'eux, Motley Crue. En fait, dans ce cas-ci, Motley Crue, c'est très intéressant. C'est un duo bassiste-drummer, donc Nikki Sixx et Tommy Lee, qui étaient les Terror Twins. C'est donc bien drôle. Fait que voilà pour les associations proprement parlées. Maintenant, il y a toutes sortes de duos aussi qui ont vu le jour et qui parfois ont très bien fonctionné et d'autres fois non. On va parler des fois que ça a bien fonctionné. Oui, aujourd'hui, on s'intéresse à ceux qui ont été fonctionnels. Dans le cadre d'une émission de télévision, Tom Jones, le chanteur britannique, en fait, il provient du Pays de Galles, il y avait une émission de télévision. Je pense qu'il s'appelait carrément Tom Jones. Okay. C'est pas compliqué. Et il y a eu des invités qui étaient Crosby, Stills, Nash & Young, dont on a parlé récemment pour les supergroupes. Et ensemble, ils ont chanté une chanson qui s'appelle Long Time Gone. Donc, Tom Jones chante la track principale, je veux dire. Et écoutez bien ça. Chanté par Tom Jones, accompagné de Crosby, Stills, Nash & Young. But la vidéo, là, puis c'est vraiment drôle de voir les faces des gars de Crosby, Stills, Nash & Young qui sont comme « ils chantent! » Ouais, s'il y a des gars parmi vous qui pensaient que vous avez un beau Movember, vous avez rien vu, OK? Juste parce que c'est un drôle d'adon, on va écouter un autre extrait qui s'appelle lui aussi Long Time Gone. Mais ce n'est pas la même chanson. Non, ce n'est pas la même chanson et c'est un duo, ma foi, très improbable, mais qui fonctionne très, très bien. À la limite, j'oserais dire que c'est un plaisir coupable parce qu'il s'agit d'une chanson country, n'ayons pas peur des mots, mais que je trouve vraiment très bonne. C'est en fait Norah Jones qui s'est associée avec Billy Joe Armstrong de Green Day dans un projet où ils reprennent des chansons des Everly Brothers et l'album complet en fait c'est ce type de reprise là et c'est vraiment très bien fait. You cheated me. Que ça va vendre pour Noël. Juste à voir! Watchez vos bas de Noël! Mais si vous voulez, les Everly Brothers, une figure extrêmement importante de la musique des années 50 et du pré-rock, si on peut dire, ils ont été une influence, encore une fois, on va parler d'eux, une influence très très importante pour les Beatles, justement. Et on remarque juste dans les harmonies vocales que ça ressemblait au début des Beatles, Lennon-McCartney aussi. Oui. Donc, je pense que ça nous prendrait un signal sonore pour à chaque fois qu'on mentionne les Beatles, ça serait super drôle. C'est un genre de... Donc maintenant, je vais introduire une nouvelle entrée dans notre liste des duos. C'est une chanson que j'ai découverte récemment, même si ça fait déjà 2 ans qu'elle a été enregistrée. C'est Sting avec Lady Gaga, qui reprennent un hit de Police qui s'appelle King of Pain. Et ça, c'est chanté live et c'est probablement comme le meilleur setting pour Lady Gaga au piano, live et fabuleuse dans ces moments-là. Et puis la chanson est juste aussi tellement bonne, c'est une de mes préférées de The Police. Oui. On entend ça. 1, 2, 3! There's a little black spot on the sand today. It's the same old thing as yesterday. There's a black hat caught in a hot tree top. There's a flagpole rag and a wind won't stop. Stood it before, sound of pouring rain. The world down in circles running round my brain. Cause I'm always hoping that your hand is sweet. But it's mine as the need to be the king of pain. There's a little black spot. I'm still living for the time of pouring. dans la liste association et duo intéressant, mention spéciale encore une fois à Lady Gaga qui avait fait un duo avec Tony Bennett. Ils avaient interprété ensemble Lady is a Tramp. Mm-hmm. Et venant d'une fille qui n'aime pas beaucoup l'œuvre de Lady Gaga, je dois dire que quand elle est dans l'univers du jazz, c'est quelque chose qui lui va vraiment très bien. Oui, moi je pense qu'elle va être là pour longtemps, Lady Gaga. Ben oui, on est obligé de l'admettre, elle est capable. Voilà. Ceci dit, Hélène et moi, nous allons nous offrir à l'instant un plaisir coupable. Ça fait deux fois que je dis ça aujourd'hui. Bref, on va faire une parenthèse... cathartique. Parenthèse cathartique. Exact. Du côté d'une liste très brève de bands dont, à notre avis, la réputation est surfaite. Oui. On va en parler une fois, on va le faire rapidement, puis on ne reviendra plus jamais là-dessus. Oui. Alors, un, deux, trois, go! Rush, U2 et CCR. Merci, bonsoir. Voilà. Mais là, maintenant, on va parler, comme le contraire de cette liste-là, des bands ou des artistes dont on s'ennuie de. Exactement. Je sais que c'est pas un discours français, là, c'est une blague. Dont on s'ennuie. Aujourd'hui, 24 novembre, c'est le 22e anniversaire de la mort de Freddie Mercury. Oui, malheureusement. Décédé le 24 novembre 1991. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'étais, durant mes années de secondaire, une radicale fan de Queen. J'étais vraiment complètement en amour avec ce band-là. Et avec les années, je les ai un peu perdu de vue. Puis là, cette semaine, à Musimax, il y avait un documentaire, Those Are the Days of Our Lives, qui m'a fait vraiment replonger dans Queen. Et les entrevues étaient tellement bien menées avec Brian May et Roger Taylor, le guitariste et le drummer du band, qu'à la fin, je pleurais comme une madeleine. Oh! Littéralement. Et ça m'a fait réaliser à quel point je m'ennuyais de Freddie, de Queen. Je pense qu'il y aurait, même s'il était âgé et qu'il faisait de la musique vraiment adult là, à la fin, là, je pense qu'il y avait, il y en avait encore dedans. Ah oui, je suis d'accord. C'était un très, très grand band. On en est venu aussi au consensus qu'on s'ennuie des Smashing Pumpkins. On s'ennuie de Billy Corgan des bonnes années. Là. Oui. Avant Adore et avant. Moi, il n'a jamais topé ça. Là. Genre Avant Adore en ordre décroissant, Melancholy and Infinite Sadness, puis Siamese Dreams. Là. C'est vraiment de très très beaux albums. Oui. Puis on s'ennuie de cette époque-là, c'est vrai. On s'ennuie de PJ Harvey. Oui, non. On est dû pour We're 90s kids. C'est ça. On est tellement 90. Ouais, on est dû pour un album, là, PJ. Faites quoi, là? Oui. Puis, moi, le groupe qui a remplacé Queen dans mon cœur, si je peux dire, c'est le groupe Pulp, un groupe britannique mené par Jarvis Cocker. Je sais qu'ils ont fait un retour depuis quelques années, mais leur retour est surtout en spectacle. Moi, j'aimerais ça avoir un nouvel album de Pulp. Je sais que Jarvis a fait des albums solo, je sais tout ça, mais oh, je m'ennuie pas. Moi, je peux pas me prononcer parce que je les connais pas suffisamment. OK. Mais j'ai confiance en toi. Oui. Sur ce... confiance en moi. OK. On va parler de groupes qu'on a aimés dans le passé. Maintenant, on va vous faire le top ou du moins la liste de nos coups de cœur 2013, qui sont des découvertes, mais qui ne proviennent... qui n'ont pas forcément vu le jour en 2013. Bref, mais nous, on les a découverts lors de la dernière année. Je te laisse la parole, Hélène. Oui, mais en fait, moi, je voulais faire des petites blagues parce que je suis... On va en parler dans deux semaines, je pense qu'en fait, je peux tout de suite vendre le punch du prochain épisode. Ça sera sur la mémoire, la mémoire dans le rock, le mémoriel et tout ce phénomène d'archivage et tout ça qu'on vit. Et je vais faire peut-être une psychanalyse en même temps parce que moi, j'ai beaucoup de la misère à découvrir la nouvelle musique. Je trouve qu'on a un déluge informationnel et je trouve ça extrêmement complexe de faire mon chemin là-dedans. Donc, j'écoute juste de la vieille musique. Donc, qu'est-ce que j'ai découvert cette année? C'est vraiment simple. Ben, j'ai lu l'autobiographie de Aerosmith. Donc, j'ai découvert Aerosmith. Ça m'a donné le goût de connaître leur vieux stock des années 70. Ben moi, je connais 90s Kid. Je connais juste comme Crazy puis Amazing. Là. Donc, ça m'a donné le goût de découvrir ça. Il y a quelques jours, il y a un petit artiste qui s'appelle Bob Dylan qui a sorti un vidéoclip interactif qui est très, très bon, d'ailleurs, pour Like a Rolling Stone. Donc, j'ai redécouvert... Bob Dylan. Tiens donc. Et dans quelques jours, je m'en vais à Toronto pour aller voir l'exposition David Bowie Is au Arts Gallery of Ontario, le AGO. OK. Je ne sais pas comment on prononce. Et Donc, ça va me faire découvrir David Bowie à nouveau. J'ai bien hâte. Ils ont fait un remix récemment. James Murphy a fait un remix pour la chanson Love is Lost qui s'appelle Hello Steve Reich Mix et qui est tellement bonne. Moi, c'est vraiment une de mes chansons préférées de 2013. C'est du David Bowie. J'ai bien aimé, en tout cas, le remix que tu m'as fait écouter plutôt aujourd'hui. On le mettra sur la page pour que vous puissiez en bénéficier aussi. Sur ce, Hélène, je dois te dire que de nos jours, il se fait aussi de la musique très intéressante. Entre autres, moi j'ai eu un très très gros coup de cœur pour l'album du groupe Alt-J, Alt comme la touche d'ordinateur. Oh, tellement un album magnifique qui donne envie de te mettre une bonne paire d'écouteurs et puis de partir prendre une marche en tombant dans la lune. Je trouve cet album-là incroyablement bon. Aussi, j'ai beaucoup apprécié les groupes Tame Impala et Grizzly Bear que je ne connaissais pas. Qui ont une espèce de son un peu plein d'ouates, là. Ça rappelle un peu les grosses distorsions des années 70. J'aime beaucoup le son de ces groupes-là. D'ailleurs, on va aller en extrait musical avec la pièce Elephant de Tame Impala. Mais avant de le faire, je veux faire une petite mention pour le groupe québécois Gros Méné, que j'ai découvert cette année moi aussi, et qui est un peu dans la même veine en termes de distorsion et ainsi de suite. Il y a vraiment un lien à faire. Mais Gros Méné, ça sonne tonne de briques. Moi, j'adore ça. J'écoute ça en travaillant, puis ça me fait fesser du marteau un peu plus fort. remise en contexte, on s'entend que je suis menuisière. Voilà. Alors, on va aller en écoute avec Elephant de Tame Impala. We'll be right back. finit sec. Donc, les listes, pourquoi ça existe, les listes en musique? Pourquoi il y a une telle diffusion, une telle circulation de listes? On peut même penser que le journalisme musical, ce BuzzFeed BuzzFeed-y. Donc, vous connaissez le site BuzzFeed qui a beaucoup, beaucoup de listes de top, disent les 15 meilleurs gifs animés de chats qui vomissent, là, des trucs comme ça. Donc, donc on pourrait dire même que c'est ça, une BuzzFeedication du journalisme musical, de la critique musicale, du commentaire musical plus généralement. Mais pourquoi? Mais les listes, ça communique vraiment de l'information très rapidement. C'est une forme qu'on connaît déjà très bien parce qu'on est très habitué dans notre culture à avoir des listes. Donc, ça peut aider les fans à s'y retrouver. Mais les listes, ça fait beaucoup plus. Il y a une fonction d'archive qui est enclenchée avec les listes. Donc, on voit la liste au passé. La liste au passé, mais la liste en même temps, la liste est au présent et la liste est au futur. Oui, oui, oui. Parce que, elle est au présent parce qu'elle est faite maintenant, mais elle prédit un peu qu'est-ce qui va être canonisé. Donc, il y a vraiment une fonction d'historicisation, voilà, qui est à l'œuvre. Donc, qu'est-ce qui va être... avec un peu d'espoir consacré durant les prochaines années, mais la liste elle-même consacre. Oui, il y a aussi une fonction narrative, donc une histoire qui se crée à travers les listes, si on les lit bien. Et il y a aussi une question de validation, de goût. Donc, il y a énormément de jeux idéologiques à l'œuvre dans les listes. D'ailleurs, je tiens à dire, parce que je suis une vraie universitaire, que je tiens tous ces commentaires de mon ami Liam Young, qui est un doctorant à l'Université de Western Ontario, à London, en Ontario, qui travaille pour son doctorat, qui travaille sur la liste musicale. Donc, je suis allée glaner des trucs de lui sur Internet. Et si vous voulez en lire plus, vous pouvez aller sur son academia.edu, si ça vous le dit. Donc, la prochaine fois, en conclusion, la prochaine fois que vous entendez une liste et que ça vous met le feu au cul, parce qu'il y a aussi beaucoup de ça avec les listes, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on veut prouver notre point, on n'est pas content ou on est au contraire très content, mais au lieu de justement d'aller dans une espèce de logique d'appréciation positive ou négative, demandez-vous, mais qu'est-ce qui est à l'œuvre dans cette liste-là? Qu'est-ce que ça veut faire? Très intéressant. Voilà. Bel exercice. Petite dernière liste avant de se quitter aujourd'hui. Il s'agit de quelques spectacles à venir sur l'île de Montréal qui vont être intéressants. Alors... Bernard Adamus? Oui, Bernard Adamus, le 28 novembre. Dans 4 jours. Au cabaret du Maryland, donc jeudi prochain. Ensuite de ça, on a une jeune dame du Maine dont le nom d'artiste est Lady Lamb the Beekeeper, qui va se produire au Divan Orange le 1er décembre. Je vais vous mettre un court extrait d'une de ses chansons dans quelques instants. Et le fameux band montréalais Half Moon Run, qui est en spectacle au Metropolis le 6 décembre. Alors, si vous cherchez quoi faire prochainement, en voici 3 bons exemples. Écoutons un extrait de Lady Lamb Beekeeper. There's a ghost in the mezzanine, and she's soaked in a glimmering sort of bone. Her bones and I'm blathering for to count all her freckles, to kiss her bare ankles, the breath of the bread while it bakes. Yeah. path, how it carves the seeds out of my heart for to plant in the soil for to feed. Softly and gracefully, oh, to me you could quite possibly be the death of my dread and the songs in my head. Would at last find their place and be sung. Alors, c'était Mezzanine de Lady Lamb The Beekeeper, qui est en spectacle, on le rappelle, au Divan Orange, le 1er décembre prochain. Avant de se quitter, je vous fais un petit rappel sur la participation nouvelle de notre amie Geneviève Dussault, qui va, à partir de maintenant, partager des playlists sur la page web des Archéos. Alors, on vous invite à les écouter en grand nombre. Et le prochain épisode, dans 2-3 semaines, sera consacré, comme je l'ai dit plus tôt, à la mémoire. Donc, c'est une belle suite avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, c'est quoi ce nouveau régime de consommation de la musique qui est vraiment centré autour du mémoriel, de ce qu'on se souvient, des archives, de l'histoire Les influences, ainsi de suite. Alors, sur ce, passez un bon début d'hiver. Et il fait frais aujourd'hui, oui. Attachez vos tucs.